voilà si c'est qu'à songer, tout ça l'amour pour nous. Qui en moins comment pas qu'à plaire, pas qu'à plaire, je t'y joue. Où t'es qu'à faire nous toutes amées, amées, où t'es qu'à faire nous toutes souquées, souquées. Je t'y chante en capoté, espoir pour tout ça écrété, mais qu'à songer. Mélodie en qu'à continuer. Fais des mots et quatre paroles, on t'y bat la créole, on t'en va. Mélodie a qu'à continuer. Minuit est où t'es qu'à chercher. Oh, à mon Dieu, où qu'est trouvé. Nous qu'à songer. Où vas-tu pour chanter en d'autres côtés. Oui, ou pas dit, c'est musique à aucun arrêter.